qu'est-ce qui me fait bander? L'odeur des bombes 94 ou des 94 au cul bombé. J'rime pour mon île, mon pays. Gratuitement, distribution de Laval à foule à la Pompéi. J'ai pas de Canada Goose. Aïe, trop de vampires, si t'es mort, si t'as pas ta goose d'aïe. Votre or, j'suis venu l'arracher. Cœur d'acier, j'arrive qu'à lâcher, sourire carnassier. Depuis tout petit, j'rêvais de l'anarchie. Aujourd'hui, j'suis à la fac en écoutant Rage Against the Machine à Vachy. Merde, fuck ces fascistes. Tous les soirs, j'aille marine comme si je m'appelais Rachidia. J'chaffe ma science occulte dans des chambres obscures. Base de torture, de wack MC et de chants nocturnes. Et tu sais très bien que j'étais gras toute la night. Mais parle-moi pas de passion, j'fais ça pour la maille. Dans ma tête, Balenci, Balenci. La seule fois que j'ai écarté les jambes, c'était pour faire du man spreading. À la run, ça arnaque le crous. J'me branle sur Agathe le Prou et j'danse avec Jack le Fou. Mec aussi plus qu'une houle dehors, c'est un cataclysme. Toujours une bombe sous le torse comme un salafiste. J'te fais pas confiance si t'as une coupe au bol. J'dis pas qu'on est des durs, dis juste qu'on se gratte avec des poutes au bol. Sec, je rafale d'anti-moustique, toujours classe dans nos gestes, on fait des drive-by en limousine. Je m'habille pareil, noir sur noir, genre mitraillette iranienne sur ma sape italienne. Tu la définition du momosad, genre ni gay ni aimable. Et dans cette vie, qui est-ce qui m'égale? Si ce n'est mes gars, y'a tout qui déraille. Les filles peuvent tuer la bite pour un petit ticket de cinéma. Je suis un grand solitaire sous anxiolytique. Maman, arrête de pleurer. J'aurais pu être commissaire ou dans la politique. Au ministre financé par la Bolivie. Tout doit être prolifique. Je te rappelle, c'est deux doigts pour les filles, un pour les flics. Tu fais clouer des Porsche, mais payer le rang en coup c'est trop cher. T'es sur un groupe électrogène. J'arrive avec des loups et des phobes. Ils ont cloué les portes. J'ai voulu escalader ces bâtards. Ils ont coupé les cordes. A chaque fois on doit redoubler d'efforts. Tu m'étonnes pourquoi ma team maintenant veut clouer des corps. Je le fais pour ma mère. Et que ma chair de ma chair est une chaîne qui vaut cher, yo. Je vise le Qatar. Et entre nous, une chaîne 19 carats. Et récit bien sur mon t-shirt Cara. Ah, yo. Que des rimes de bâtard. On va prendre un de mes sons pour l'hymne malgache. Eh, hey. Yo. On t'illumine même si t'es caché sous un préau. Demande à Hello. Pecto Meko, nouveau fléau. Ah.